Valère, aide-moi à ceci. Ah, au Saint Maître Jacques, approchez-vous, je vous ai gardé pour le dernier. Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler? Car je suis l'un et l'autre. C'est à tous les deux. Mais à qui des deux le premier? Au cuisinier. Attendez donc, s'il vous plaît. Quelle diante de cérémonie est-ce là, hein? Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, Maître Jacques, à donner ce soir à souper. Grande merveille. Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Que diable, toujours de l'argent. Et il semble qu'il n'ait autre chose à dire. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Ah, et donc ce mot à la bouche, de l'argent, toujours parler d'argent. Voilà leur épée de chevet, de l'argent. Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. C'est une chose la plus aisée du monde. Il n'y a si pauvre esprit qui n'en fit bien autant. Mais pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère avec peu d'argent? Oui. Par ma foi, monsieur l'intendant, vous nous obligerez de nous faire voir ce secret et de prendre mon office de cuisinier. Aussi bien vous mêlez-vous sciant d'être factotum. Taisez-vous. Oui. Qu'est-ce qu'il nous faudra? Mais voilà, voilà, monsieur votre intendant qui nous fera bonne chère avec peu d'argent. Là, je veux que tu me répondes. Combien serez-vous de gens à table? Nous serons 8, 10. 10. Non, 8. Ben, il faut prendre que 8. Ah. Quand il y a mangé pour 8, il y en a bien pour 10. Je la s'entends. Eh bien, il faudra 4 grands potages et 5 assiettes. Potage, entrée. Que diable, voilà pour traiter toute une vie entière. Rond. Un traître, tu manges tout mon bien. Entremets. Encore. Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Et monsieur a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez-vous-en un peu lire les préceptes de la santé et demander au médecin s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès. Il a raison. Apprenez, Maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande. Et que pour se bien montrer ami de ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne. Et que, suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oh, que cela est bien. Approche, que je t'embrasse pour ce mot. Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger. Non. Et non pas... c'est pas ça. C'est pas ça. Comment est-ce que tu dis? Qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oui. Entends-tu? Qui est le grand homme qui a dit ça? Je ne me souviens pas maintenant de son nom. Souviens-toi de m'écrire ces mots, je les veux faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il faut. Fais donc. Tant mieux. J'en aurai moins de peine. Il faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord quelques bons haricots, bien gras, avec quelques pâtés en pot, bien garnis de marrons. Reposez-vous sur moi. Maintenant, Maître Jacques, il faut nettoyer mon carrosse. Attendez. Ceci s'adresse au cocher. Vous dites? Il faut nettoyer mon carrosse et tenir mes chevaux tout prêts pour conduire à la foire. Vos chevaux, monsieur? Ma foi, ils ne sont point du tout en état de marcher. Je ne vous dirai point qu'ils sont sur la litière, les pauvres bêtes n'en ont point, et ce serait mal parlé. Mais vous leur faites observer des jeunes si austères que ce ne sont plus rien que des idées ou des fantômes, des façons de chevaux. Les voilà bien malades, ils ne font rien. Et pour ne rien faire, monsieur, est-ce qu'il ne faut rien manger? Il leur vaudrait bien mieux, les pauvres animaux, de travailler beaucoup, de manger de même. Ça me fend le cœur de les voir ainsi exténués. Car enfin, j'ai une tendresse pour mes chevaux qui me semble que c'est moi-même quand je les vois pâtir. Je m'ôte tous les jours pour eux des choses de la bouche. Et c'est être, monsieur, d'un naturel trop dur que de n'avoir nulle pitié de son prochain. Le travail ne sera pas bien grand d'aller jusqu'à la foire. Non, je n'ai pas le courage de les mener. Et je ferai conscience de leur donner des coups de fouet en l'état où ils sont. Comment voudriez-vous qu'ils traînassent un carrosse? Ils ne peuvent pas se traîner eux-mêmes.